Encore des absences de dépendance, dans ma mise une corde en transe. Encore une ivresse incontrôlée qui attise mes vers délavés. Encore des souffrances en soupir, par quête d'un graal d'un devenir. Encore les cigarettes qui font souffrir pour masquer le manque et sourire. Le toi de nous qui sera là demain, fais-moi rire, viens me prendre la main. Car j'ai le blues, une guitare désaccordée. Car je ne sais plus ce qu'être aimé. Seras-tu là lorsque viendra le malaise? Seras-tu là hors de la falaise, d'où je prendrai mon envol pour une destination amoureuse? J'ai mal, mais j'ai mal. Oui, tu seras là comme toujours, toi mon héros de velours. Aussi seront là ces enfoirés de vautours. Ils viendront se nourrir de mes décadences. Ils viendront sourire de mes démences pour m'avoir plein la gueule sans payer mes pots déjà cassés. J'ai mal.